Le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a critiqué dans ses réponses données aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée le 28 juillet les États-Unis qui ont mis en cause notre dissuasion nucléaire autodéfensive et cherchent à rejeter la responsabilité de la tension grave dans la péninsule coréenne à la conférence ministérielle du Forum d'ASEAN. Il a dit le 26 juillet, à la conférence ministérielle du Forum d'ASEAN tenue au Laos, le secrétaire d'État Kerry a prétendu absurdement que les États-Unis ne sont pas hostiles à la Corée du Nord. Alors, pourquoi les États-Unis mobilisent tous les biens stratégiques dans les exercices de guerre en Corée du Sud en déclarant ouvertement l'opération d'élimination de la direction et l'occupation de Pyongyang ? Comment expliquer les présidents américains qui ont inscrit ouvertement sur la liste des objets d'attaque nucléaire préventive notre République, État souverain et prestigieux, et parler de l'effondrement du régime en stigmatisant comme un axe du mal et un pays à disparaître ? Kerry a prétendu que les exercices militaires conjoints n'ont été jamais mis en cause et que l'accord cadre coréo-américain a été conclu pendant les exercices de guerre, ce qui est vraiment ridicule. Le secrétaire d'État doit au moins savoir les faits historiques. Les États-Unis avaient suspendu le simulacre de guerre conjoint selon notre demande et les exercices conjoints ont été une des causes importantes qui ont annulé les accords coréo-américains auxquels on était abouti au prix de grands efforts. Ce n'est pas à cause de notre armement nucléaire que les États-Unis livrent les exercices militaires conjoints dans la péninsule coréenne, mais c'est à cause de la menace nucléaire accrue due aux exercices de guerre d'agression des États-Unis que nous sommes obligés de posséder et de renforcer la dissuasion nucléaire. Rejeter sur nous la responsabilité de la tension grave dans la péninsule coréenne, trouver un prétexte de l'accroissement des forces armées et des exercices militaires conjoints qui répondent à leur stratégie de rééquilibre en Asie-Pacifique de nature agressive, et pour l'immédiat, éviter la protestation et la condamnation des pays voisins qui s'accentuent contre la décision américaine sur la disposition de SAD en Corée du Sud, voilà la vraie intention des États-Unis. Personne ne peut prévoir quelle situation sera créée dans la péninsule coréenne et à ses environs par l'accroissement téméraire des forces armées des États-Unis et le simulacre de guerre conjoint en août prochain. Plus les États-Unis s'attachent à l'hostilité à notre égard, plus nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver la souveraineté et la dignité du pays et la responsabilité de toutes les conséquences retombera sur les États-Unis.